Je veux voir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. L'émission. Que la fête commence, les amis. Et une fois n'est pas coutume, nous aurons deux coups de cœur aujourd'hui, et des vrais coups de cœur, puisqu'on me dit que les coups de cœur des uns et des autres ne sont pas des vrais coups de cœur. Donc là, on ne pourra pas me dire que je n'applique pas ce que je dis, même si c'est mon émission et que je fais ce que je veux. Mais donc, vous aurez donc deux coups de cœur. Le coup de cœur de Manon en fin d'émission, si on a le temps. Et tout de suite, on va honorer celui qui partira sur des contrées lointaines à Lens, dans le Nord la semaine prochaine, pour nous ramener plein de pépites, certainement plein d'infos croustillantes sur les séries japonaises, notamment les mangas et compagnie. Hein. C'est un peu ça où tu vas à Lens. Oui, il y aura Elsa. C'est vrai. Oui, c'est vrai, exact. On a des places VIP, donc ça sera l'occasion de la choper puis de lui dire D'accord. Bon. Peut-être même une interview d'Elsa Isnous. Oui, alors là, c'est pas. Surtout si je lui dis ce que je pense, ça va bien commencer, ça va mal se terminer. En tout cas, le choix de Laurent, il est tout de suite là et on va commencer par lui. Et c'est une nouveauté en plus. Ah, il a fait fort, Laurent. Il aurait pu me ressortir un truc un peu ancien, mais non. Si tu savais ce que j'ai en stock, en coup de cœur. J'imagine. Donc, on va profiter de ce coup de cœur qui aurait pu être le mien aussi, en plus. J'aurais très bien plu. Ça fait deux semaines qu'il y a ton coup de cœur. Vous le proposez en ouverture. Ça fait un mois, non ? Non, j'aurais dit deux semaines. Parce que le nouveau Pet Shop Boys est sorti cette semaine. Oui. Il n'est pas chroniqué dans les nouveautés du vendredi. Je tiens à le dire à Jean-Luc, qui est comme moi, est fan des nouveautés du vendredi. Non, il n'est pas dans les nouveautés du vendredi. Donc, j'étais le chercher ailleurs. Et donc c'est le nouveau Pet Shop Boys, un album, superbe album, une pochette rouge magnifique. Ouais, un double album, double puisqu'on album, aura même des chansons inédites sur le premier et sur le deuxième, des remixes des de leur tube. Ouais, voilà. Et quand on sait que les remixes des Pet Shop Boys sont toujours magnifiques. On est d'accord, hein, on est moi d'accord. J'attends les nouvelles chansons, comme là, la première est vraiment, ça donne envie pour la suite. J'ai découvert d'autres titres aussi qui sont pas mal, dont un qui dure 7 minutes. Ouais. C'est les champions du monde aussi pour faire des chansons à rallonge. Ouais. Et les remixes, oui, j'en parle même pas. Là, moi, j'attends, je suis excité. Effectivement, j'étais un peu déçu, je le disais en antenne à Laurent, parce que depuis quelques années, les Pet Shop Boys, c'était un peu mélancolique, un peu triste, un peu sombre. On sentait que, voilà, on dit, tiens, ça y est, ils sont plus proches de la retraite que de leur apogée. Et ce titre-là est flamboyant. Mm. Comme la couleur de la pochette. De la pochette. La pochette de l'album, franchement, dans le rayon, pour les petits rayons de disques qui existent encore, je pense que cet album-là va flasher. Exactement, avec leur visage, on revoit leur visage un peu masqué, mais on reconnaît tout à fait, on reconnaît leur silhouette. Mm. Et voici Loneliness, le nouveau single des Pet Shop Boys. We'll be right back. C'était Loneliness, les Pet Shop Boys. Vraiment, on se croirait revenu au cœur des années 90. Exactement. Ah là, tu te dis, les mecs, les années passent et... Alors c'est sûr, ils ont repris du poil de la bête, mais on n'aurait pas eu les précédentes chansons qui étaient tristes. On pourrait se dire, les années passent, ils ne changent pas. Allez, vous mettez It's a Sin, Domino Dancing, ou j'enchaînais avec ça. Eh ben, moi je déteste pas. Vous vous rendez compte de ça? C'est exceptionnel. Eh ben alors, on a quelques chansons à te faire écouter si t'aimes ça. Hein, on va faire Pet Shop Boys Story. Il y aurait de quoi faire parce qu'on en a. Voilà. Très bien. Alors allez. Là, si on fait The Pet Shop Boys Story, on va jusqu'au mois de juillet. Hein. Parce que les singles, je parle même pas des albums. Hein. Et je parle même pas des maxi qui sont dans la cave de papy. Il est 15. Qu'est-ce qui se passe? Si je puis me permettre. Aujourd'hui, c'est la course contre la montre. Je voudrais signaler que l'horloge parlante a été arrêtée depuis un certain temps, mais qu'au sein de Ça ira mieux demain, de Destination Série, nous en avons une nouvelle. Et tout ça pour Charlie & Co. Oh là là. Bon. C'est pas bien de critiquer. Non, je critique pas. Mais non, j'espère que vous serez à tous là. Bon, alors, les frères Sons, c'est comment? Oui. J'ai horreur qu'on me presse, hein. Bon. Très bien, monsieur. Bon, ma petite orange, est-ce que je peux te presser un peu? Parce que là, le temps presse. Les frères Sun, hein, ça c'est une belle série. Très belle série, très belle. On était dans les Hong Kong Foufou, le roi du Kung-Fu, on était dans les mangas avec Elsa et Snow. On parlait tout à l'heure aussi de Jace et les Conquérants. De la lumière. De la lumière, l'univers un peu japonais. Et ben on est là-dedans, dans les frères Sun. Il y a comme une thématique. Exactement. Sans le savoir. Et tout le monde le sait, quand il fait chaud, rien que tel qu'un bon jus d'orange. Exactement, un bon jus d'orange quand il fait chaud. J'adore ces métaphores, c'est incroyable. Le rapport avec l'orange et le Japon, je suis pas sûr, mais bon, en tout cas, les frères. Pays du soleil levant. Bon, alors, puis, très belle série. Et peut-être que Sun aussi, c'est la... Oh là là là là. C'était peut-être ça le rapport, j'ai pas vu. Je sais pas s'il l'a fait exprès, Laurent, mais c'était très bon. Les frères Sun. La vie est plus blanche que blanc. Les frères Sun, une sympathique série. très drôle sur les arts martiaux et avec une femme au centre de cette affaire qui s'appelle Michelle Yeoh, qu'on ne présente plus désormais. On écoute la bande-annonce qui va vous donner tout cet univers d'arts martiaux que l'on aime depuis un petit moment, Manon, effectivement, puisque oui. On est aussi dans l'attente de la nouvelle saison de Karate Kid. Oui, effectivement. Vous ne m'avez pas piégé. Je suis venu pour négocier. Ça ne nous pose aucun problème de tuer vos fils. Essayez donc de vous en prendre à Charles. Je ne crois pas avoir parlé de Charles. Depuis toutes ces années, vous en protégez un autre. Oh putain. Bruce, notre famille est à la tête des dragons de Jade. Du coup, on est un peu des criminels. Je t'aurais pu me prévenir. On essayait de te préserver. Ouais, bah ça a bien marché. Oh merde! On nous a déclaré la guerre. Un nouveau gang cherche à prendre notre place. Il est temps que mon frère s'implique aussi. J'ai pas envie d'être un gangster. Pourquoi je ferais pas juste ce que moi je veux? On a un mot pour les gens comme ça à Taïwan. Américain. Nos ennemis vont s'en prendre à toi pour m'atteindre. Je commence à croire qu'aucun de nous deux ne la connaît vraiment. Ne la sous-estime pas. Je suis toujours ta mère. Dis-moi ce que je veux savoir. Ou alors? Je vais te tatouer un pénis sur le visage. Ok. Assurez grave, je suis à fond derrière vous. Non, mais il n'y a pas de « je suis à fond derrière vous ». On se calme, d'accord? Et tu es lequel de ces fils, toi? Le tueur ou l'abruti? Tu dois agir et mettre fin à tout ça. Rends compte que toi et moi, on s'est jamais fait de câlin. Oui, mais comme tu vas sûrement mourir, je crois que c'est maintenant ou jamais. Charleson cherche à savoir qui a tendu un piège à son père, chef d'une triade à Tapaï. Il s'envole alors pour Los Angeles où vit sa mère, une femme secrète et coriace, afin de la protéger. Il devra surtout s'occuper de son frère, Bruce, étudiant, plus attiré par le théâtre d'impro que par les arts martiaux. Le contraste entre un Charles invincible, rigoureux et féru de cuisine, et un Bruce pataud engendre quelques savoureux moments de comédie. Rien de très novateur pourtant, mais vraiment l'humour et l'action qui se combinent parfaitement et qui nous donnent envie de découvrir ces frères et cette famille, notamment avec la mère qui est en fait une mère coriace qui a elle aussi à un moment été au cœur de cette triade. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs Laurent, tu peux balancer la suite, c'est la musique du générique. The d'ailleurs. Brother Son. Voilà, c'est la musique du générique. L'anecdote aussi sur dans cette série, c'est autour de l'actrice Michelle Yeoh qui devait à un moment donné de sa carrière, il y a longtemps de ça, jouer dans Kill Bill. Et c'est la revanche de Michelle Yeoh qui à l'origine s'était positionnée et avait passé le casting pour jouer dans le film de Quentin Tarantino Kill Bill. Et Quentin Tarantino lui avait dit « Ouais mais non, ça le fait pas, ça va pas le faire, t'as pas assez voilà, charisme. De charisme. » Et là, Michel Yeoh dit « Voilà, j'ai eu ma revanche, il n'a pas voulu de moi. » Et ben là, je lui ai montré que finalement, quelques années plus tard, je peux arriver à le faire et à le faire bien. C'est vrai qu'elle est magnifique, ah, magistrale. Vraiment, il n'y a rien à dire. Elle n'a rien à dire. C'est la mère qui fait toute fragile, qu'on a envie, en fait. Il faut là. Oui, au début, on ne la pense pas du tout. Voilà, il faut la protéger. Et puis, elle se révèle être eh bien, une organisatrice hors pair. Et puis, voilà, elle est la femme d'un patron de la triade, mais elle est presque l'égale de son mari. Et elle va bien aussi pour voir et puis prendre les rênes. De la famille quand il le faudra. Donc voilà, cette série-là lorgne aussi quelque peu vers Kill Bill avec ces touches d'humour où, comme je le disais, le fils qui est aussi un grand criminel mais qui est féru de cuisine, donc qui joue avec son couteau pour faire des sushis ou autre, et son frère qui lui est aux antipodes de cela, qui ne rêve que de faire du théâtre d'impro. Donc vous voyez, c'est un peu le choc des cultures, et au fil des épisodes on va voir que cette famille va se ressouder, et bah, les uns vont s'endurcir et les autres quelque part aussi un peu se ramollir. Alors la seule question que l'on se pose, y aura-t-il une saison 2, car ça a été un vrai carton hein, depuis début janvier sur Netflix, eh bien voilà, on peut l'espérer hein, au vu du final qui se termine, on va dire. C'est spécial. Assez spécial, voilà. C'est une fin qui est quand même quelque part ouverte, un final assez explosif, voilà, avec une scène d'action assez exceptionnelle qui peut quand même laisser présager une suite, car dans tous les gangs, même si on a l'impression que le gang est décimé, il en reste toujours un et il y a toujours une porte ouverte pour eh bien, une vengeance quelconque. Et donc la famille Sun n'a pas fini peut-être d'avoir des soucis. Voilà. Et le réalisateur et producteur Kevin Tanchron a ajouté qu'en réalité, ses frères Sun étaient le premier pas dans un voyage bien plus long. Donc, c'est qu'il a déjà plein de choses derrière la tête. À suivre, donc, dans les années à venir. Donc, leur sushi n'est pas fini. Leur sushi n'est pas fini. Les churros aussi. T'as pas dit son addiction aux churros. Il y a aussi ça. C'est, effectivement, il est fan de sushi. Et en fait, il va, churros. De churros également, parce qu'il va voir à un moment donné quelqu'un faire des churros. Et puis. Il va être attiré par l'odeur. Arrêtez de me parler de churros. Moi, j'ai fait des marchés de Noël à courir après des churros, à être dans des files d'attente qui n'étaient pas la bonne. Et cette année, enfin, l'année dernière, j'ai pas eu de churros. Ah, bon, eh bien, si tu regardes cette série-là, tu auras envie des de churros à profusion et ça te rappellera les marchés de Noël. Alors moi, non, vas-y. Non, je voulais juste dire que j'allais faire des churros ce week-end chez moi. Du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que... Pardon. Il y a beaucoup, beaucoup d'action, il y a aussi de l'humour et il y a aussi de la romance. Donc, franchement, oui. Une série que je conseille, qu'on conseille vraiment. C'est hyper simple à regarder. Voilà. Un petit extrait aussi de cette série-là, parce que la musique a aussi son importance, et une musique un peu comme on l'entend, bang bang, et c'est la musique moderne également, donc voici... C'est Ruth. Ah, j'ai eu peur un court instant que ce soit autre chose. Et Non, c'est Ruth. Donc c'est Ruth Brown qui nous propose I Can Dream Kent. Merci, parce qu'on n'a pas le. On n'a pas le prompteur aujourd'hui. On n'a pas le prompteur aujourd'hui, là. Ah, d'accord. On est un peu perdu. Bah, on a eu un changement. On a un nouvel écran en régie. Ah oui. Et donc, certainement que l'ordinateur a dit non, mais moi j'en gère deux, parce trois, c'est là, un peu voilà. Trop, c'est le week-end. Parce que là, on n'a rien. Non, mais ça va être réglé, vous inquiétez pas. Je vais appeler le service technique. Donc là, voici Ruth Brown, I Can Dream Kent. Tiré des frères Sun. I can see, no matter how near you'll be, you'll never belong to me. But I can dream, can't I? Can I pretend that I'm locked in the bend of your embrace? For dreams are just like wine. And I am drunk with mine. I'm aware my heart is a sad affair. There's much disillusion there. But I can dream, can't I? Voilà, ce petit et très rapide montre bien un peu le choc. On s'attend pas du tout à voir ce type de musique dans une série de kung-fu. Ou d'arts martiaux. Pas du tout. Donc voilà, c'est un peu le choc de cette série là où on a des musiques qui correspondent pas forcément et tu les vois faire se battre sur des musiques comme ça. Donc c'est, la scène d'ouverture, c'est une scène où ils se battent sur une musique complètement douce et je trouve que c'est super bien écrit. Voilà, c'est le choc, hein. c'est aussi la particularité de ces frères Sun. It's Always the Sun chantait aussi. Bah, moi ça m'a fait le même effet en regardant le film d'Ariane lundi sur TF1. D'accord, très bien. Au niveau de la réa, c'est coupé au couteau. Allez, tout de suite, le palais. Ah, le palais. Bienvenue au palais. Allez, Allô, saison 2, c'est la semaine prochaine. C'est le 8 février que débutera la saison 2 de Allô. Mais c'est pas la question que je te posais à un moment donné. Est-ce qu'on aura une saison 2 de Allô? Eh ben oui, maintenant oui. Et je t'avais dit oui. Et donc j'ai recherché un peu plus. Je t'avais dit oui parce que j'avais vite recherché. Oui. Je t'avais dit le 8 février. Et comme j'aime te faire plaisir, la bande-annonce tout de suite. Peuple de Rich. Je viens vous bénir. Sachez que je suis l'instrument de votre extinction. Sachez que je suis la mort. Il arrive que les éléments échappent à notre contrôle. Et dans ces moments-là, c'est tout ce que nous pouvons faire pour sauver ce planète. Quand je vous regarde, je ne vois pas la défaite. Le roi Mirage ! Et je ne vois pas non plus la reddition. Mais vous ne vous battrez pas seul, je vous rassure. Nous avons une chose que l'ennemi n'a pas. À la fin d'une bataille, on parle seulement de victoire. On dit que c'est grâce à moi, grâce à ce que j'ai fait. Ou grâce à ce que vous êtes. Quelque chose que vous ne voyez pas. Mais que vous ressentez. Voilà, une très très belle bande-annonce qui donne envie. Alors, la saison 1 a été un peu, voilà, a déçu beaucoup les fans de jeu. Alors moi qui ne connaissais pas le jeu, j'ai adoré la saison 1. Mais ceux qui étaient fans de jeu ont été un peu déçus. Est-ce que ça va se rattraper? Je trouve que la bande-annonce donne envie. Oui. Moi qui ne suis pas très fan de science-fiction. Et là, le héros John va se lancer dans un voyage pour trouver la clé du salut de l'humanité ou de son extinction. En fait, c'est ça le halo. Ça. C'est une clé qui permet soit de la Terre de disparaître, soit de se maintenir en vie. Alors, si vous voulez éviter la déception en regardant la saison 1 de Halo, si vous ne connaissez pas, en parallèle, regardez une des saisons, vous choisissez de The Mandalorian, vous allez voir, tout de suite, ça va vous aider. Oh là là là là. Ouais, le Mandalorian que l'on retrouvera bientôt au cinéma, avec Grogu. Avec Grogu dans un film, ça va donner. J'aurais pu vous passer, mais j'ai pas le temps, Griselda, la nouvelle série de Netflix qui cartonne aussi, ça c'est pas mal. Encore une femme qui en a, des coronesses, un gros carton. Et aussi la bande-annonce de la série d'Apple TV+. Qui est sorti la semaine dernière et qu'on a regardé avec Manon, Masters of the Air, les deux premiers épisodes. C'est pas mal. C'est une série de guerre magnifique, faite par Steven Spielberg, entre autres, et Tom Hanks. Franchement, voilà, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Et au revoir. Et voilà, je pensais que... Non, mais normalement, tu mets en automatique et là, non. D'accord. Donc comme il y a une remise en route qui a été faite, je pense que voilà. D'accord. Bon. Et ben termine et j'essaye de lancer. D'accord. S'il veut bien. Hein. Là il a décidé de faire autrement. Bon bah Manon, tu écouteras Taïk la prochaine fois. Et ton choix la prochaine fois. Mais voilà, donc deux belles séries, Griselda et Masters of the Air à regarder sur Apple TV+ pour en ce qui concerne Master on the Air, c'est sur Canal+, et Griselda, c'est sur Netflix. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement des séries de la semaine, et notamment donc Halo, qui commence le 8 février, et ce sera sur Paramount+. Et ceux qui avaient pu regarder Halo sur Canal+, à l'époque, ben, il faudra qu'ils payent un peu plus pour maintenant aller sur Paramount+, comme ça va être aussi le cas pour d'autres séries, notamment The Last of Us. Alors, The Last of Us, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais alors ça veut dire que Halo, je verrai pas la saison 2. Merci. Voilà. C'est fini. Oui. Rendez-vous dans 15 jours. Rendez-vous donc dans 15 jours et passez une très très bon week-end, très très bonne semaine. Moi, je vous retrouve dans une demi-heure pour le Hot 40. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. Bon week-end. Au revoir, bon week-end. Et bye on bye. Vous laisse en compagnie, normalement, de Charlie & Co.